Vendredi 26 mai, bienvenue à l'émission Les Différents, la dernière, toujours sur les ondes de CKRL au 89.1. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h. Et puis pour la dernière, ben vous vous souvenez le concours pour venir co-animer avec moi. Et puis, ben j'ai cette personne-là avec moi, c'est Vanessa Morneau. Bonjour Vanessa. Bonjour Mélanie, ça va bien? Ben c'est à moi de te poser la question, comment ça se passe? Ça va très bien. J'ai un peu le trac, mais ça va bien. Ça va bien aller, je te garantis. On a un super invité en plus qui va se joindre à nous. T'as suggéré, parce que j'avais fait l'appel aux gens, suggérez-moi un sujet et puis vous allez venir co-animer avec moi. Et j'aimerais ça que tu me parles ton sujet à toi. Qu'est-ce que c'était? Le sujet que j'ai proposé, c'était le marché du travail en ayant une limitation fonctionnelle, toutes les réalités que ça peut apporter avoir une limitation fonctionnelle sur le marché du travail. C'est un sujet qui est très important pour moi parce que je le vis à tous les jours. Puis c'est maladie chronique, en oui, fait. Oui, c'est ça, les maladies chroniques, qu'on appelle un peu invisibles parce qu'on ne voit pas nécessairement dans mon visage que j'ai une maladie, non. Mais c'est pourtant effectivement ma réalité. Puis je trouvais important d'en parler, je trouvais que ça cadrait bien dans le thème des différents parce qu'on se sent, veut pas, un peu différent des autres. Donc, voilà. Et puis toi, dans ton cas, on pourrait le mentionner tout de suite. Dans ton cas, tout toi, c'est la maladie de Crohn que tu as. Oui. Donc, c'est d'apprendre à vivre avec ça. Donc, le sujet, d'autant plus, il est d'autant plus personnel dans ton cas. Exactement, oui, c'est ça. Ton sujet, on va en parler un petit peu. On va continuer, on va faire l'émission avec. Et puis, on a aussi un invité qui va joindre à nous, Luc Vigneault. Je sais pas, tu connais Luc Vigneault? Oui, bien sûr. Luc Vigneault qui est père aidant, conférencier, auteur. Oui. C'est un homme que j'admire beaucoup personnellement par sa résilience et tout ça. Donc, je suis vraiment contente qu'il ait accepté d'être ici à l'émission aujourd'hui. On est chanceuse. On est très chanceuse qu'il ait accepté. Et puis, nous, on va faire une courte pause en musique et puis on va revenir avec notre invité Luc Vigneault. Restez là. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL au 89.1 dans l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous et Vanessa Morneau, co-animatrice, celle qui a gagné le concours de co-animer avec moi. Vanessa, on parlait avant la chanson, justement, de notre invité de ce matin, puis on est contente de l'avoir. On va vous répéter ses titres. C'est un père aidant, conférencier, auteur, formateur en santé mentale, aussi Luc Vigneault. Bonjour. Eh hey, bonjour, bonjour. Luc. Oui. On a parlé avant la pause, le pourquoi Vanessa voulait parler de la maladie chronique, oui. De qu'est-ce que ça fait dans une vie. Mais vous aussi, vous en avez une, en fait. Ben absolument, une maladie aussi invisible qui est la maladie mentale, la schizophrénie plus précisément. Donc c'est quelque chose qui se voit pas. Sauf peut-être des symptômes à l'occasion qui peuvent faire peur. Là, c'est un gros tabou. Mais on est très, j'appelle ça la dérangerosité au lieu de la dangerosité. Ouais. C'est-à-dire qu'on dérange. Mais des gens comme moi, vraiment dangereux, c'est une infime minorité. Mais hélas, les médias font beaucoup... de nouvelles quand un de mes pères commet un geste inapproprié, si je peux dire, là, mais je tiens à rassurer qu'il se passera rien ici ce matin. Non, je suis pas inquiète. Oui, c'est ben, ça. En fait, pour expliquer rapidement la schizophrénie, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est que d'entendre des voix ou c'est plus complexe que ça? En fait, il faut comprendre que il n'y a pas la schizophrénie, ouais. Il y a des schizophrénies, ça c'est une nuance importante. Ouais. Entendre des voix est une des caractéristiques de cette maladie, mais vous avez la schizophrénie paranoïde, par exemple, où les gens paranoïent beaucoup. Vous avez la schizophrénie affective, qui est parentée avec le trouble bipolaire. Hein, c'est, ah oui? Oui, okay. Il est très apparenté avec le trouble bipolaire, donc c'est... puis vous avez donc comme j'ai toutes sortes de schizophrénie. Faut pas confondre non plus que la psychose qui peut être associée à d'autres maladies que la schizophrénie. Mm-hmm. Par exemple une dépression chronique peut vous amener à avoir des psychoses. OK, ça peut partir à n'importe quel moment. Bon, bien sûr, une intoxication avec des drogues nous fait halluciner des fois, nos rangs psychotiques. Donc, c'est pas de la schizophrénie, ça. Et puis, certains médicaments qu'on peut prendre, puis la personne va être allergique pour avoir, faire une psychose. OK. Ben, c'est pas parenté que la schizophrénie. Donc, puis dans votre cas, vous, c'est quoi? Moi, c'est de la schizophrénie paranoïde. la pire la gang. Non, ouais. La pire la gang, dans le sens qui est la plus spectaculaire de voir ça. Mais comme vous pouvez voir, on peut se rétablir. Je me suis rétabli, comme bien d'autres aussi. Oui. Donc, c'est possible. Donc, ça, on en parle moins. On en parle beaucoup, beaucoup moins, oui. Mais ben, les gens qui se rétablissent, comme moi... se font discret, hein. C'est rare qu'on va dans les médias pour dire bonjour, j'ai une schizophrénie. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de tabous, on va en parler plus tard, mais je suis victime de stigmatisation beaucoup. Ouais, on de va... rejet, d'ostracisme, là. Oui, puis Vanessa aussi, je vais en profiter pour te retourner la question. Oui. En fait, la maladie de Crohn, on entend parler, on connaît le nom, mais on ne sait pas non plus qu'est-ce que c'est. Puis je vais te tourner la question vers toi pour que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que c'est que la maladie de Crohn. Ben pour situer les gens aussi, pour qu'ils puissent savoir après ça, comment on intègre ça dans notre famille, nos amis, notre travail? Définitivement. C'est vrai que la maladie de Crohn, c'est quelque chose que tout le monde a déjà entendu parler, mais personne ne sait vraiment c'est quoi. La maladie de Crohn, c'est principalement une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, ça touche principalement le système digestif de la bouche jusqu'à la sortie. Hein, pour... De l'entrée à la sortie. C'est clair. C'est une maladie qui est auto-immune, donc qui touche aussi principalement le système immunitaire. Donc, c'est vraiment le système immunitaire qui va être, si je peux me permettre l'expression, trop fort, qui va s'attaquer aux bonnes bactéries qu'il y a dans notre intestin, dans notre système digestif, et qui va causer de l'inflammation, qui va causer beaucoup de... Ça peut causer des douleurs, des gonflements, des symptômes qui s'apparentent à la gastro, donc diarrhée, nausée, des choses comme ça. C'est aussi un sujet tabou dans le sens que on parle pas nécessairement de ce genre de symptômes-là autour d'une table en train de manger. Donc, je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'on n'en entend pas beaucoup parler, c'est que c'est des sujets qui sont pas intéressants à parler. Ben, c'est mais tabou qui sont, aussi. Oui, c'est ça, mais qui sont très présents. Moi, j'ai fait des petites recherches avant de venir. Donc, il y a environ... C'est un Canadien sur 150 qui est atteint de la maladie de Crohn. Donc, c'est quand même un bon taux. C'est un bon nombre. C'est un bon nombre. Puis, malgré ça, on n'en parle pas à la télé, on n'en parle pas... nulle part. Il n'y a pas beaucoup d'organismes non plus qui s'occupent de ce genre de maladies-là. Puis là, tu sais, je parle de maladie de Crohn, mais il y a aussi d'autres maladies invisibles comme l'arthrite poly... je cherche le mot puis je le trouve plus, là. J'aimerais mais... ça t'aider. J'ai pas ta recherche. Il y a plein d'autres maladies comme ça qui sont invisibles, dont on n'en entend pas parler, puis on gagnerait à en parler parce que c'est vraiment une réalité difficile pour nous qui vivons avec ça. Puis c'est difficile aussi sur le marché du travail ou avec l'entourage, l'incompréhension un peu qui peut avoir face à ça, parce que, comme je disais en début d'émission, de l'extérieur, j'ai pas nécessairement l'air d'avoir une maladie chronique ou de souffrir physiquement. Même quand c'est le cas, donc c'est difficile de démontrer son point là, quand c'est une maladie invisible comme ça. Oui, c'est pas si je peux me permettre, les chiffres officiels, c'est 50% des Nord-Américains ont une maladie chronique. 50%. C'est 1 sur 2, c'est énorme, là. En Amérique du Nord, c'est énorme. Quand on parle de maladie chronique, mais ça comprend ce qu'on a parlé tantôt, mais, mais la haute pression, le diabète, c'est des maladies chroniques aussi. Exactement. Ça se guérit pas. Oui, ça se guérit pas, ça demande un suivi sérieux, régulier. Sinon, ça va avoir des complications graves. Donc, 1 sur 2. Fait que c'est beaucoup de monde. Puis, comment vous avez, je vous pose la question, comment vous avez découvert, qu'il y avait quelque chose qui allait pas? Dans votre cas, Luc, c'est que là, il y a de quoi qui n'est pas comme d'habitude. Moi, les troubles psychotiques, tant que ça l'arrive, ça fait partie de notre vie. Dans le sens que ce matin, je suis dans un poste de radio, À moins qu'on me dise le contraire. Aux dernières nouvelles, oui. Donc, c'est ma réalité, dans le sens que les hallucinations que j'avais, c'était ma vie, ma réalité. Donc, on nie que c'est une maladie. Hein. Ben, on vit avec, j'imagine. On vit avec, puis ce qu'on voit, c'est réel, là, nous. Là. Okay. Alors, c'est sûr, quand les gens nous disent, ben, t'es malade, on les croit pas. C'est ça le hic avec une maladie comme la mienne. Ça prend du temps. Mm-hmm. Avant de reconnaître que c'est une maladie, hélas pour les proches surtout. Mais un coup qu'on dit ouais peut-être que c'est une maladie finalement, donc à ce moment-là la progression vers le rétablissement se fait bien, mais l'étape majeure c'est d'abord reconnaître qu'il y a un problème. Je dis pas nécessairement reconnaître qu'on est malade, mais reconnaître que peut-être l'hallucination que je vois est pas réelle. Ouais. C'est ça. Puis, dans votre cas, les deux, je pense que c'est quand même assez jeune que vous avez eu votre diagnostic. Toi, dans ton cas, avant que tu arrives à dire, ben écoute, il y a de quoi qui marche pas non plus, Vanessa, ça a pris du temps? Ben, en fait, moi, quand j'ai commencé le cégep, j'avais 17 ans. J'ai vécu une dégradation de ma santé physique. Ça a pris à peu près un mois avant que je me rende à l'hôpital et être hospitalisée. J'ai été hospitalisée pendant à peu près deux semaines et demie parce que là, j'étais vraiment trop malade. J'étais déshydratée, j'étais dénutrie, avec mes prises de sang et tout ça, on voyait que les nutriments qu'il y avait dans mon corps, c'est comme si j'avais pas mangé depuis deux mois. Mon Dieu. Donc, tu sais, j'étais très, très, très, très faible. Donc, j'ai vraiment vécu une grosse dégradation suite à un gros stress que j'ai vécu. Donc, j'ai déménagé, commencé le cégep, vécu dans une nouvelle ville. Donc, pour moi, c'était peut-être un gros choc. Ouais. Il n'y a pas vraiment de cause qui fait apparaître la maladie de Crohn en tant que telle. Les médecins ne le savent pas. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est un peu ça, là, le stress que j'ai vécu qui m'a amené cette dégradation-là. Qui a pas aidé, en tout cas. Non, c'est ça, qui a pas aidé. Donc, beaucoup de symptômes, comme je vous disais tantôt, qui ressemblent à la gastro. J'ai été à l'hôpital une première fois. On m'a dit, bon, ben, tu sais, t'as une gastro. Si ça continue dans deux semaines, reviens nous voir. Deux semaines plus tard, je me retrouvais. C'est long. Non, c'est ça, c'est très long. Puis, je vivais avec mon père à l'époque. Puis, vous pourriez lui demander. Je suis certaine qu'il s'en rappelle. J'étais blanche comme un drap, là. J'étais très faible. Aussitôt que je mangeais, je me sentais pas bien, il fallait que j'aille aux toilettes et tout ça. Donc, moi, je me suis ramassée finalement à l'hôpital, aux soins intensifs, pluguée avec de la morphine, puis plein de fils un petit peu partout là, pour pouvoir me redonner les nutriments que j'avais manqués. On a d'abord pensé que j'avais une C difficile, dont les symptômes sont pas mal pareils. Puis c'est suite à plusieurs tests, plusieurs batteries de tests qu'on a découvert que finalement, c'était la maladie de Crohn. Puis, dans vos cas, les deux, c'est à 17 ans, je pense, les oui, deux? Oui, moi aussi, c'est à 17 ans, effectivement. Puis c'est moi, c'est la famille hein, qui s'en est rendu compte. Puis qui m'ont parlé, qui m'ont accompagné à l'hôpital. Ben, oui. Comment ça se passe? Il y a un certain deuil à faire, comme tu m'avais dit aussi, Vanessa. Ouais. Comment ça se passe, le deuil après le diagnostic, faire comme... Parce que les deux, je pense, vous avez eu... vous avez eu le même médecin, mais je pense qu'ils ont eu à peu près le même mot, dans le sens, votre vie est finie, là. Vous oubliez ça. Moi, je me souviens très bien qu'on m'avait pas dit que ma vie était finie, mais on m'avait dit, tu sais, Vanessa, avec la maladie que t'as, les symptômes que tu as, la médication que tu vas commencer à prendre, ça risque d'être vraiment difficile. Moi, je te conseille de pas retourner à l'école. Tu sais, pense à ça comme il faut parce que tu vas avoir de la difficulté puis ça va être difficile. Je te le déconseille fortement. Donc c'est tu sais, quand t'entends ça à 17 ans, c'est difficile. Tu commences ta vie, tu sais pas trop ce que tu t'en vas déjà très tard partant. Puis là, tu te fais dire ça, c'est difficile à entendre. Puis moi, j'étais un peu tête dure aussi dans la vie. Donc j'ai vraiment été contre la vie de mon médecin et j'ai poursuivi mes études. Ça a été effectivement très difficile, mais je l'ai fait. Ah, bravo. Ben, c'est en quoi? En 4 ans au lieu de 3 ans? Oui, mais ben, en fait, c'est ça. J'ai terminé mon cégep avec mes petits cours à temps partiel comme ça. Finalement, j'ai terminé. Puis l'université, la même chose. J'ai fait mon bac à temps partiel. Puis j'ai eu mon diplôme. Puis je suis bien contente d'avoir foncé puis de l'avoir fait. Je m'en aurais voulu probablement toute ma vie si je l'avais pas fait. Oui. Puis ben moi, c'est arrivé. Vous enseignez, est-ce que vous pouvez pas vous inscrire? C'est ça, moi, je suis chargé. On va expliquer un petit peu. Ben, je dis souvent, j'enseigne à la faculté de médecine, mais j'ai pas les qualifications pour m'inscrire aux cours que je donne. Je suis un rare autodidacte. Reconnu par le milieu universitaire, donc je suis très, très, très reconnu, choyé. Oui, c'est plus rare. Oui, quand même, c'est plus rare. Donc, moi, c'est plus vers l'âge de... j'approchais la trentaine qui m'ont dit ces belles phrases d'encouragement, votre vie finie. Mmh. Donc, comme Vanessa, c'est un choc, là, te faire dire ça, là, hein, c'est un état de choc total. Puis là, moi, j'ai pris au sérieux. Moi, c'est... Ah ouais? Oui, j'ai pris au sérieux. Donc, je me barcite la journée. Je foutais rien. Ben, ma vie finie. Puis moi, j'avais... mon épouse a demandé le divorce. J'avais perdu mon droit d'autorité parentale, qui est pas évident à vivre. Mm-hmm. Puis c'est ça. Jusqu'au jour où je rencontre une autre équipe soignante, qui m'ont dit non, la vie n'est pas finie, au contraire. C'est important dans la vie d'avoir des rêves, des projets. Et qui sommes-nous, pour dire aux autres que c'est pas possible? Qui sommes-nous? Ouais, c'est... Des fois, on peut faire... moi, en tout cas, je me suis relevé à ce moment-là. Puis je me suis mis à avoir des projets. Puis depuis ce temps-là, que je m'invite en progression, j'ai retourné sur le marché du travail. Je me suis remarié, la vie, a fait, j'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai vendu ma chaise berçante, comme je dis. Oui. Puis ça, vous étiez à quel âge rendu, vous êtes passé combien de temps à vous bercer, justement? Jusqu'à passer, j'approchais 40 ans, là. Pendant une vingtaine d'années. Moi, la maladie m'a volé 20 ans de ma vie. C'est énorme. Énorme. Puis après ça, là, vous arrivez, vous avez déjoué les pronostics. Ce qu'on vous prédisait, votre vie est finie, les deux, vous êtes relevés. Ça a pris 20 ans dans le cas de Luc, mais quand même, c'est sûr que c'est des deuils énormes parce que. T'sais, à 20 ans, moi aussi, j'avais des désirs, des rêves. Mais ils se sont envolés. T'sais, moi, je voulais aller m'inscrire à l'université. J'ai pas pu. Puis deuil aussi pour ma mère. Mon père était décédé, donc... ma mère aussi. T'sais, quand tes parents, tu vois tes enfants avocats ou médecins. Puis là, on t'annonce qu'il est fou, donc c'est sûr que... Ouais, ça, c'est... Un état de choc, là. Puis si on recule dans les années... c'est quoi, dans les années 80, à peu près, que ça a sorti le diagnostic? Mais encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui. Moi, comme père aidant, je parle beaucoup aux proches, aux parents. Mm-hmm. Ils sont en état de choc, là. C'est quelque chose, là. Puis, y en a-tu qui essaient de vous aider dans tout ça? Tu sais, les médicaments miracles, là. Il y en a aussi. Ouais. Je sais que, Vanessa, toi, je vais te laisser aller un peu là-dessus. Tout à fait. En fait, moi, surtout quand j'arrivais sur un nouveau milieu de travail, plus dans mon coin, puis ça fait pas très longtemps que je vis à Québec. Ça va faire un an en juillet. J'étais dans le Bas-Saint-Laurent avant. Donc, sur mes milieux de travail, souvent, j'avais toujours quelqu'un qui me disait, t'as-tu essayé telle tisane de chèvrefeuille ou de je sais pas trop quel produit naturel, ça aide pour les maux de ventre, puis as-tu essayé tel remède, là, il parle de ça à TV, c'est miracle, c'est sûr, ça va t'aider, ça va te guérir. Malheureusement, même si c'est super gentil, les gens sont super attentionnés, c'est une maladie chronique. Ça ne fonctionne pas malheureusement comme ça. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent aider, mais ça ne peut pas me guérir. C'est sûr que ça le prend dans ton cas, comme dans le mien, ce que j'appelle une hygiène de vie. Mm-hmm. Hein, on peut pas, toi, j'imagine, tu peux pas manger n'importe quoi. Tout à fait. Puis je te dirais, moi aussi, là, pourquoi j'ai pas de maladie, parce qu'on dit que l'estomac, c'est le deuxième cerveau, hein. Oui. Oui. Oh, sérieusement, oui. Oh, oui. Paraît-il. Il y a plein de neurones. Il y a plein de neurones, là, puis de neurotransmetteurs qui sont reliés à l'estomac. Donc, faut y faire attention à notre estomac, hein. Puis il y a des études sérieuses là, même qui relieraient même les troubles mentaux à l'estomac là, donc c'est très sérieux là. Il faut d'abord quand tu as un diagnostic de maladie mentale, il faut que tu surveilles ton alimentation puisque ce que tu mets dans ta bouche parce que ça a un lien direct avec ta santé. Ça c'est bon à savoir. Oui, oui. Mais il y en a-tu quand même qui ont essayé de dire essaye telle affaire ou de l'automédication. Plein. Moi, oui. J'ai essayé la cocaïne, le H. Oh, ouais, OK. Non, ça ne devait pas aider. Ça aide pas quelqu'un qui a... Au début, c'était le fun, là, mais... mais à un moment donné, non, ça a empiré la maladie, c'est sûr. Mm-hmm. C'est... Mais bon, j'ai été quand même 5 ans, là, moi, à me droguer tous les jours. Là. Tous les jours. Oui. Je... Ça doit pas aider la maladie, non, là, dans non, ce cas-là. Non, mais j'étais tellement souffrant. J'étais souffrant, ça se dit pas. Fait que... Voilà, puis à un moment donné, j'ai décidé de prendre une médication, qui est vraiment aidant. Oui, oui. Puis comme je dis souvent, parce que je voulais avoir une vie sexuelle active. Puis avec tout ce que je prenais, j'avais plus de vie sexuelle. Pas. Puis c'est par ça que les médecins m'ont pogné, si vous voulez. Ils ont réussi à vous convaincre comme ça. Oui, oui. Pour avoir, sérieusement. Le sexe est vendeur. Le sexe est vendeur. Depuis ce temps-là, j'ai une belle vie sexuelle. Mais... On va arrêter sur ce... Ma santé mentale se porte mieux. On va prendre une pause. On va arrêter sur la vie sexuelle. Puis on va revenir après la pause avec vos conjoints. Oui. Parce qu'ils ont un rôle important. Majeur. On revient tout de suite. Vous êtes de retour à l'émission Les Différents, Mélanie Fleurant et Vanessa Morneau, co-animatrices ce matin. Bienvenue, re-bienvenue. On va continuer notre sujet qui est... On parle présentement là, de toutes les maladies chroniques, maladies invisibles et... comment ça affecte le quotidien? On parlait avec Luc avant la pause de la vie sexuelle en général. Donc, j'en profiterai pour te poser la question, Luc, au niveau de ta conjointe ou des conjointes que tu as eues, comment ça a pu affecter vos relations de couple et tout ça, les symptômes que tu vis, la maladie, puis comment ton entourage réagit à ça, en fait, en général? Moi, je suis remariée depuis 2009 avec Nathalie, mais avant elle, j'ai eu quelques aventures. mais on ne dit pas ça à une première date. Hein? Non, c'est ça. Donc, c'est ça que la schizophrénie fait partie de ma vie. Non, c'est ça. Tu ne dis pas ça à première date. Évidemment, tu attends un peu. c'est pas winner. Pas winner, ben. Mais je te dirais que la majorité, ça les a fait fuir. Beaucoup. Oui, ça les a fait fuir. Sauf elle, c'est Nathalie. Fait que, mais elle voyait qu'il n'y avait pas de différence en tant que telle, tant que la médication était prise, dans le fond, puis tant qu'il y avait un suivi. Mais en fait, oui, c'est ça. Tant qu'elle voyait d'abord l'homme, elle ne voyait pas le malade. Là, ça, c'est quelque chose d'important. Oui. Et puis, effectivement, j'ai toujours été bien entouré. Puis c'est important pour dire que ma conjointe, c'est pas mon intervenant, c'est pas ma travailleuse sociale, c'est mon épouse. Donc, toutes mes aides, je vais les chercher à l'extérieur de mon couple. Puis également, c'est un peu mon garde-fou, là, Nathalie, dans le sens qu'elle connaît mes signes avant-coureurs que ma maladie est en train de dégénérer. J'imagine, Vanessa, tu as des signes avant-coureurs aussi. Ben oui, tout à fait. Puis je pense que c'est la même chose aussi pour mon conjoint. Ouais. Depuis le temps, ça va faire bientôt 8 ans qu'on est ensemble. Wow. J'ai pas besoin de lui dire que ça file pas bien. Il sait, il est capable de me le dire avant que je lui dise là, que, bon, Vanessa, ça va pas bien, hein? C'est ça. Fait que, tu sais, c'est aussi un grand support, puis ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui comprend, puis qui est capable aussi de vivre avec ça, parce que c'est pas facile pour un conjoint, une conjointe, de savoir que l'autre personne est en souffrance, a de la douleur ou des choses comme ça. Donc, ça prend un certain courage, je pense, là, pour s'impliquer dans une relation. Mais il doit en avoir, c'est ça, qui quitte, là, pas nécessairement à la première date, comme on disait tantôt, mais il doit en avoir là, des histoires où est-ce que les gens sont, quand il y a eu le diagnostic, après ça, qui ont fait « oui, je vais être là pour toi », puis qu'à un moment donné, c'est trop lourd, tu sais, c'est trop lourd. Mais en fait, les statistiques disent « ceux qui sont déjà en couple quand la maladie apparaît vont rester… » Ah oui? Oui. C'est positif. Oui, c'est positif, mais ceux qui sont pas en couple, qui ont la maladie de trouver un conjoint ou une conjointe, là, c'est difficile. c'est pas facile à ce moment-là, oui. Faire en tout cas des relations qui sont durables. Là. Dans votre cas, vous êtes remariés. Oui. Toi, dans ton cas, Vanessa, ça fait 8 ans pratiquement. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai mon diagnostic depuis, ça va faire 10 ans. En fait, en septembre, tu sais, oui, j'ai eu des relations avant ça, mais tu sais, j'avais jamais vécu avec quelqu'un jusqu'à avec mon conjoint dans ce moment. Donc, c'était vraiment... une relation plus sérieuse. C'est sûr que j'ai pas parlé de ma maladie dès notre première rencontre, mais c'est venu sur le sujet assez rapidement, parce que ça fait partie de ma vie. Donc, puis tu sais, dans les périodes où c'est la maladie est plus active, ben là, je vais plus souvent aux toilettes et tout ça. Donc, à un moment donné, faut l'expliquer le pourquoi ou tu sais. Moi, souvent, quand la maladie est un petit peu plus active, j'ai besoin de m'asseoir. Des fois, je dois m'asseoir à des endroits qui sont pas, où on peut pas s'asseoir généralement. Mm-hmm. Je me suis déjà assise sur une étagère dans un grand magasin parce que j'avais trop mal au ventre. Donc, c'est le genre de choses que je pense qu'il faut expliquer avant que ça arrive là pour. Ouais, parce qu'il te trouve sur une étagère, ça va être en faisant l'épicerie, il va se poser des questions. Ça, c'est une partie de votre vie. Oui. Mais il y a aussi la partie professionnelle de votre vie. On en a parlé un petit peu tantôt à peine. Comment on dit ça à un employeur? Est-ce qu'on a de la facilité à se trouver un emploi ou pas du tout? Parce que c'est pas visible dans vos cas. Ben nous, on est stigmatisés. Mm-hmm. Nous, on le dit pas. Ça, c'est clair que... Non. Ben, écoute, la maladie mentale, en général, outre la schizophrénie, est très stigmatisée. Mm-hmm. Les plus grands stigmatiseurs, selon la recherche, c'est ceux qui nous soignent. Le réseau de la santé est le pire employeur. Cette année, heureusement, la direction de la santé mentale a fait un petit guide. C'est qu'ils reconnaissent qu'ils sont les pires employeurs. C'est vrai. Donc, c'est un pas de géant. Pour moi, c'est merveilleux. Puis ils disent à leur... que ce soit au CHUC ou au CIUS, ici, dans la capitale nationale... Tu sais, moi, je travaillais à Robert Giffard. et Robert Giffard, c'est... n'engage pas de malades mentaux. Ben non, c'est ça. C'est-tu encore considéré comme un hôpital psychiatrique? Oui, c'était multivocationnel, l'établissement, la bâtisse. Okay. Mais il y a une partie encore hôpital. Et eux aussi, ils reconnaissent qu'ils ont, par le passé, stigmatisé les gens. Ben voyons. Oui, parce que il y avait cette pensée que ils vont nous coûter cher l'assurance, qui est totalement faux. Ben oui. Parce que d'un autre côté, quand tu dis ça, c'est que t'as pas de vision là. Si t'engages pas le monde que tu soignes, c'est ça, ça t'as un problème. Ça là. Je trouve ça terriblement effrayant. Ouais, ouais. J'ai travaillé dans le réseau de la santé moi aussi, pas longtemps, mais en fait à peu près 6 à 7 mois. J'avais beaucoup de commentaires, mais pas des commentaires, mais je me sentais jugée là quand je devais, tu sais. on je vais utiliser l'expression qu'on utilise tous, là, caler malade, là. Oui. Mais là, comment ça tu cales malade? T'étais correct hier. Comment ça? Comment ça tu cales encore malade? T'étais correct la semaine passée, t'étais correct v'là un mois. Mais tu sais, les maladies chroniques comme ça, c'est pas quelque chose qu'on peut, oui, on peut contrôler, on peut essayer d'améliorer les symptômes, d'avoir une bonne hygiène de vie, comme Luc disait un petit peu plus tôt tantôt. Mais quand les symptômes arrivent, on n'a pas nécessairement de contrôle là-dessus. On peut pas contrôler quand on est malade. Donc, c'est quelque chose. Puis, par après, quand je suis sortie du réseau de la santé, puis j'ai passé d'autres entrevues, moi, je me suis fait dire par après, ben là, ton ancien employeur nous a donné des mauvaises références parce que tu manquais beaucoup à cause de tes problèmes de santé. Moi, j'ai fait comme, c'est rough, là, d'apprendre ça par après, là. Puis pourtant, je suis pas quelqu'un qui manque le travail tant que ça, mais en tout cas, pas où j'étais à cette époque-là, mais ça avait été vraiment mal vu, puis on m'a donné des mauvaises références, et probablement que j'ai pas eu des emplois que j'aurais pu avoir sans ces mauvaises références-là, donc... Moi, j'en doute pas. C'est comme s'ils voulaient des gens, parfaits, en guillemets. Oui. Hey, ça existe-tu? Ça existe pas, hélas! Ben, il y en avait un, ils l'ont crucifié. ça ressemble non, à ce que je dis, Donc, ça existe pas. Donc, il faut qu'ils revoient mais ils sont en train de le revoir. Il faut que je leur donne ça. Il y a un changement, vous le sentez? Oui. Mais moi, je sens en santé mentale, il y a une grosse volonté de changer. Là aussi, on est stigmatisé. En tout cas, moi, l'avoir vécu chez Emploi Québec. Où est-ce qu'on aide pour trouver de l'emploi? C'est ça. Donc, eux, quand tu arrives avec un diagnostic de schizophrénie, dans la tête du monde, il n'y a rien à faire. Puis qu'est-ce qu'ils proposent dans ce temps-là comme type d'emploi? Ben, ils t'envoient tout le temps dans des ateliers de travail. OK. C'est pas des vrais jobs, là. T'sais. C'est des ateliers subventionnés qui datent de l'ancien. Je dis de l'ancien temps, là, parce que. Années 90, mettons. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, partout dans le monde, ils ont aboli ces ateliers-là parce que faire travailler quelqu'un d'une fausse job, c'est pas aidant. Fallait travailler d'une vraie job pour qu'il se sente valorisé. Entend par ces ateliers-là, c'est quoi? Ça peut être de réparer des choses? Non, c'est du travail manuel? Ça, c'est aidant. Là, c'est pas... OK. Je vais donner un exemple. Il y avait une place où on prenait un boulon, là, puis on mettait une boucle. Excusez-moi. Ouais. Non, ça va. C'est clair. On vissait ça, ils mettaient ça dans un petit sac, ils mettaient ça dans une boîte. Ça s'en allait à l'autre bout. Les gens ouvraient la boîte, sortaient du sac, dévissaient le petit boulon. Puis là, ça retournait à l'autre bout. Puis, oui, sérieux. C'est sérieux. C'est de perdre son temps à faire semblant de travailler. Travailler. Comprends. Là, c'est très clair. Mais donne-lui une vraie job. Ils vont faire, les gens. Puis, plus leur état de santé s'améliore, plus ils viennent bons. Plus ils veulent se sentir aussi utiles, non? Il y a des gens qui ont eu la schizophrénie, là, qui sont ingénieurs, médecins, avocats, là. Faut pas penser que sont toutes sous-scolarisées. Là. Ben c'est ça, ça touche pas une classe sociale en particulier. Là, ben c'est non, pas c'est pas stigmatisé. Bon, ben un salaire de moins de 20 000, ben c'est eux autres qui ont la schizophrénie ou la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, moi. La maladie de Crohn, il y a des gens qui ont gagné des médailles olympiques en ayant la maladie de Crohn. J'ai pas les noms des gens, là, mais tu sais, il y a des artistes qui ont la maladie de Crohn. Il y a plein de gens qui ont des vies super bien remplies, qui en parlent pas nécessairement parce que justement, c'est tabou. Puis sur le milieu du travail, ben, moi, les expériences que j'ai eues, c'était très mal compris. J'ai été jugée, même dans des entrevues. Moi, je suis super transparente. J'en parle d'avance en entrevue parce que je veux que l'employeur soit au courant. Toi, tu décides vraiment d'en parler. Oui, je suis très transparente avec ça. Moi, je veux en parler parce que ça fait partie de moi, de ma personnalité, de mon quotidien. Puis, je veux que mon employeur soit au courant parce que s'il me voit courir aux toilettes un moment donné, il se posera pas de questions. Mais, tu vois en entrevue aussi si les gens sont ouverts ou pas à ça ou si les gens comprennent. Puis souvent, ça fait des réactions. T'sais, tu vois les regards des gens changer tout de suite, les yeux changer ou le bouche rester ouverte un petit peu, là, ça surprend. Moi, je préfère en parler. C'est sûr qu'on y va vraiment avec notre confort, je pense, c'est important, mais c'est ça. Mais ça se peut-tu, on parlait de stigmate vraiment, dans ton cas, il y a quand même un côté, Vanessa, qui est ben c'est pas de sa faute, tout ça. Mais on dirait du côté de Luc, avec la schizophrénie, on voit tout de suite un tueur à gages là, qui s'en vient, un tueur en série. Ouais, je pense que les médias ont beaucoup à faire. Il y a vraiment un gros tabou. Médias, fait que ça, c'est sûr et certain, ça ouvre pas la porte aux employeurs à dire, ben venez-vous-en, il n'y a pas de ben, trouble. C'est ça, il y a une crainte, il y a vraiment une fausse peur autour de ça. Ouais, il faut démystifier, sensibiliser les gens à cette maladie-là et même la tienne, là, Vanessa, parce que effectivement que c'est de sa faute. Je pense que tu as dû te le faire dire, toi aussi, Vanessa, quand tu avais des symptômes qui s'aggravaient, ben c'est parce qu'elle n'a pas fait ça comme il faut, oui. Ou elle a mal mangé. Définitivement. Alors que c'est pas mal le cas. Mangé. Ouais, non, mais c'est vrai, moi ouais. Aussi, bon, que c'était fait, mais j'ai rien fait. Ça arrive comme ça, puis on n'a pas de contrôle là-dessus, voilà. Ouais. Oui, la maladie est là. J'ai beau prendre tous mes médicaments, bien manger, tout faire. Mais ça se peut que matin, j'ai mon cerveau qui est bousillé. Puis, ça arrive. Je suis pas capable de me concentrer, là. Même s'il y a la médication, puis ça peut arriver qu'il y a des journées où est-ce que ça va moins bien. C'est. Oui. Ça doit pas être régulier, mais ça doit arriver quand même. C'est ça, mais je suis pas dangereux, là. Je vois moins bien, je suis pas dangereux. Ben non, c'est ça. c'est ça. Mais c'est la stigmatisation qu'on parlait tantôt, justement, le fait qu'on pense que, ah ben, il est schizophrène, il va nous attaquer. Voyons, il n'y a pas. C'est vraiment un gros mythe. Puis au travers tout ça, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Mon Dieu. Ah, ça passe-tu vite? Quelle force vous vous êtes développée? Avec tout ça, on parle des embûches, le côté employeur, le côté se trouver un conjoint, une conjointe qui est pas la première date, qu'on le dise pas. Bon. Quelle force on développe avec justement toutes ces embûches-là? Oh, la question. C'est la question. Je vois le... Quelle force on développe? Ben moi, en fait, j'ai décidé de foncer dans la vie que je voulais pas... C'est une force, en même temps, ça peut devenir une faiblesse. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai décidé dans la vie de pas laisser la maladie un peu dicter ce que j'allais faire, le pronostic qu'on m'avait donné. Moi, je voulais dépasser ça. Mm-hmm. Puis ça m'a donné comme force que quand j'ai un projet, je fonce. J'y vais à 100 000 à l'heure, puis ça a été la même chose pour mon bac. Peu importe, même si c'était difficile, moi, je voulais y arriver. Donc, c'était de me donner... J'ai appris à m'écouter. J'ai appris à me donner les outils nécessaires pour arriver à mes objectifs, à mes buts, tout en respectant mes capacités, mes limitations. Puis c'est pas parce qu'on est réaliste de nos capacités qu'on est nécessairement pessimiste de son avenir. C'est vraiment quelque chose qui va nous aider sur le long cours à atteindre nos objectifs. Donc moi, je pense que c'est la force que j'ai développée, c'est vraiment de foncer dans la vie. Luc, de votre côté, il y en a de la force. Ça là. Ressemble à Vanessa. Quand on beaucoup. Regarde ça, vous avez écrit combien de livres? Vous êtes rendu à une couple de livres aussi? Oui, bien, je suis co-auteur de plusieurs. Co-auteur, oui. Vidéos, je fais des vidéos, j'ai fait des capsules web. Bref, en fait, comme Vanessa, c'est connaître ses limites, puis de bien, bien les connaître. Puis après ça, ben travailler avec nos forces. Hein, de pas assez, tu sais, de pas perdre mon temps à travailler avec des faiblesses que j'ai, mais travailler plutôt avec mes forces. Puis je dirais, j'ai développé la résilience. Ouais. La résilience qui est plus la capacité à résister au stress. Mm-hmm. Je dirais, j'ai une résilience qui est au-dessus de la moyenne. Tu sais, on parlait de venir à la radio, à la télé. Pas nerveux pantoute, moi, ça. Non, chanceux. Mais j'ai développé ça, tu sais. C'est sûr que j'ai le trac, là. C'est sûr que je veux bien performer. Oui, mais on fait ce qu'on peut, puis c'est ce que vous avez développé. C'est je ça. Fais ce que je peux, puis je donne le mieux, c'est ça. L'autre chose aussi, que malgré, vous avez dit, j'écris des livres, moi, je suis conférencier international, j'enseigne à l'université, on m'appelle toujours la schizophrène, fait que... Mais voyons. Oui, oui. J'ai décidé de gagner ma vie avec ça. Ben, pourquoi pas? Fait que c'est comme ça, oui, que je suis devenu père aidant. Puis là, je viens à peine, ça fait un mois, j'ai fondé l'entreprise qui s'appelle Luc Vigneault Inc. Je voulais en parler. Ben, c'est donc, correct. Je me lance à 57 ans en affaires, littéralement, comme faire des formations, des conférences... Dans le milieu hospitalier, mais aussi dans l'industrie, là, dans le milieu des affaires, dans les shops, pour aider les gens. Parce que vous savez, trois quarts des personnes qui ont un trouble mental refusent d'aller chercher de l'aide. Ils sont pas fous. C'est ce qu'ils disent, hein? Oui, hein? Non, mais ils ont peur d'être étiquetés. Ils ont peur de la stigmatisation, puis ils ont raison. Mm-hmm. Donc, moi, je m'adresse beaucoup à ces personnes-là qui trois quarts, c'est énorme. Ne pas attendre de tout perdre. Combien de gens ont perdu leur conjoint, enfant, maison, puis... Fait que moi, c'est ça. C'est là, puis dans le milieu des affaires, je pense que c'est la première cause d'absentéisme au travail, c'est la santé mentale. Ben oui. Donc, il y a du travail à faire là, puis ça va être ça, mon prochain dadais. Puis, fait que là, vous avez vraiment là, des projets, tout ça, les deux. On parle des forces, on parle, mais comment je peux dire, il y a quand même, vous avez encore des projets. Qu'est-ce qui, de ton côté, par exemple, Vanessa, toi, tu t'es pas laissé abattre non plus, tout ça. Mm-hmm. On parle de tes forces, le côté que, ben, j'y vais, je fonce. Qu'est-ce qui s'en vient avec tout ça? Ah, oh, mon Dieu, ben en fait, je ça fait 3 ans que j'ai terminé l'école, donc je suis un peu là-dedans là, dans, tu sais, je rassemble mes idées, je sais pas encore ce que je fais. J'ai présentement un travail temps plein que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Avec des collègues vraiment extraordinaires. Puis ça, des c'est le fun. Oui, vraiment. Puis, Maladie, pas maladie, c'est vraiment le fun. Puis mes employeurs sont super compréhensifs. C'est vraiment un milieu de travail super inclusif. Mais c'est sûr qu'on travaille en relation d'aide. Donc, justement, c'est la majeure de ce qu'on fait, de ce que tout le monde veut faire dans l'équipe. Mais ça fait tellement du bien d'être avec des gens qui comprennent puis qui sont pas fâchés quand on encore malade ou qui sont juste, ben regarde Vanessa, on va s'organiser pour que ça se passe bien, puis t'es importante pour nous autres, puis on trouve que tu fais du bon travail, ben oh mon Dieu, ça fait du bien. Donc pour le moment, tu sais, c'est le petit quotidien de m'habituer à avoir un travail temps plein, puis d'avoir ma vie à moi active en ville, parce que bon, j'avais jamais vécu à Québec avant cette année là, donc c'est vraiment beaucoup d'adaptation, beaucoup de changements. Donc c'est ça, j'ai pas déterminé de projet encore, mais c'est certain que ça va avoir moi je veux sensibiliser les gens à la maladie de Crohn, aux maladies invisibles. Je veux pouvoir apporter de l'aide à ces personnes, aux personnes qui sont atteintes de la maladie, parce qu'il y a pas beaucoup d'organismes qui sont là, qui peuvent aider les gens qui ont la maladie de Crohn. Et tout non. Ça, il y a une fondation qui est Crohn Écolite Canada, qui est un peu présente à Québec, mais pas nécessairement partout dans la province, qui commence à faire un petit peu plus d'activités, à se faire connaître un petit peu plus, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment dans les débuts, donc moi, je voudrais vraiment apporter quelque chose de nouveau là, pour aider les personnes. Je sais pas de quelle forme ça va avoir, mais je réfléchis à ça. Ben, les deux, vous sensibilisez dans chacun de, j'aime pas ça dire ça, mais dans vos maladies propres à vous, chroniques. Mm-hmm. Comment on pourrait parler aux gens qui écouteraient, admettons, les auditeurs, comment on pourrait leur donner une petite note, ben regarde, c'est pas fini. Admettons quelqu'un qui vient d'apprendre la schizophrénie, soit d'un proche ou de lui-même, mm-hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait y dire pour dire, ben regarde, ça va bien aller? Ben je pense que la première chose, c'est effectivement de reconnaître que notre vie est un chaos. Sans parler de maladie, mais que notre vie est un chaos, puis notre vie est pas agréable, on n'est pas bien. Quand on n'est pas bien, ben faut faire des changements dans la vie. Puis le premier pas, c'est d'aller chercher de l'aide, d'aller voir comment les autres en sont sortis. Parce que chaque cas est unique, comme je disais, il n'y a pas une grosse maladie. C'est chacun a sa maladie à lui ou à elle. Donc, de reconnaître, puis aussi, je dirais, aux proches, c'est assez important, aux proches, vous avez aussi besoin d'aide, ça c'est important. Puis, bon, à Québec, ici, bon, on est au coin de la rue, il y a la boussole. On est juste à côté de la boussole, oui. Oui, qui est un organisme qui aide les proches et amis, les gens qui ont un trouble mental. Ça fait toute la différence au monde pour la personne atteinte quand son proche est accompagné par... un organisme externe. Savoir comment est-ce qu'on parle à une personne atteinte. Comment est-ce qu'on réagit. C'est vrai, ça. Comment je peux l'aider? Parce que les familles ont tendance à faire la mère poule. ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà. Ils ont à la boussole, par exemple, pour en faire une petite blog, là, ils ont une formation qui s'appelle l'homme qui parlait aux autos. OK. Donc, comment est-ce qu'on parle à quelqu'un qui parle tout seul ou qui parle à... Oui. Comment est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que... puis il faut pas dire, voyons donc, ça n'existait pas, c'est violent pour la personne. Entre autres, il faut dire, ben moi, j'entends pas ce que tu entends ou je ne vois pas ce que tu vois. Ça fait que ça nie pas ce que la personne vit, mais ça dit, moi... Fait que c'est ça. Moi, je dirais pour la personne d'aller chercher de l'aide puis aux proches aussi. Les deux, oui. Je vais mettre aussi les liens de la boussole. Oui, ben oui. Tiens, je vais mettre ça sur la page des différents tout à l'heure. De ton côté, Vanessa, en terminant. Pour les personnes qui ont une maladie chronique, une maladie invisible comme ça, moi, vraiment, c'est de ne pas se décourager. La vie n'est pas finie, effectivement. Vous avez des rêves, vous avez des buts. Faut juste, je pense, y arriver autrement. Trouver une façon différente d'y arriver tout en respectant nos limitations, nos capacités. On est capable d'y arriver. Ouais. Puis c'est vraiment de demander de l'aide aussi, d'avoir du support, de s'entourer des personnes autour de nous qui comprennent, qui sont là, qui sont supportantes pour nous puis qui nous jugent pas, de vraiment se faire une espèce de cercle de personnes qui vont être là pour nous encourager dans nos projets puis qui vont pas nous caler. Moi, c'est vraiment quelque chose qui a été majeur pour moi. Les amis que j'ai en ce moment, mon chum, ma famille, sont toutes très supportants pour moi. Donc, c'est vraiment positif de s'entourer de ces gens-là. C'est surtout de s'écouter, d'être capable de se respecter puis d'y aller à son rythme. Puis même si ça prend un an, un mois, on y arrive, puis on est capable de faire des grandes choses. J'en suis certaine. Fait que c'est de ne pas perdre espoir, en fait. Puis c'est le non-jugement de ce que j'en entends. Luc Vigneault. Oui. Si on veut vous suivre, Luc Vigneault Inc., est-ce qu'il y a un site Internet qui est... Ben, écoutez, je suis rendu là, on est en train de bâtir la page web qui va venir bientôt. Quand je vais, quand vous allez l'avoir, je vais la mettre sur mon lien. Merci beaucoup, parce qu'il n'est pas encore fini. Mais en attendant, j'ai une page Facebook. Allez voir Luc Vigneault. Parfait. Vous allez me voir la bête, là. Moi, j'aime votre rire. Oui, merci. Vanessa, c'est terminé pour nous déjà. Ben, merci, déjà. Mélanie. Ça passe si vite. Merci à toi de t'être impliquée avec cette émission-là. Et puis, comme c'est la dernière des différents, premièrement, j'aimerais dire merci à Simon ce matin et à la mise en onde. Merci, Simon. Je suis pas derrière la console aujourd'hui, puis parce que je voulais être avec vous autres du côté invité, du côté du studio. Et puis, les différents, c'est quoi? Depuis septembre, c'est 34 émissions. Cette saison, c'est plus de 25 organismes, entreprises communautaires qu'on a découvert ou qu'on a connu ou qu'on a réentendu parler. Des fois, on peut aider comme ça aussi. Puis j'essaie de le faire. Mais c'est aussi 62 invités. Puis sans oublier un gros merci à mon collaborateur qui venait faire son tour de temps en temps, Denis Viel. Et puis si vous voulez suivre les différents, continuez à nous suivre, à savoir ce qui se passe de notre côté, il y a la page Facebook Les Différents que je vous invite. Il y a des vidéos, il y a des articles de blog, tout ça. Donc c'est tout pour cette saison des différents. Et puis, si vous voulez aussi savoir, suivre qu'est-ce qui se passe, vous pouvez, avec la saison estivale, il y a l'émission spéciale de lancement de la programmation qui sera animée par Tania Beaumont lundi prochain dès 15h30 sur les ondes de CKRL. Et puis, passez un bel été. Bye bye!